pensée, prisonnier de la rancœur, prisonnier du malheur, de la douleur, des erreurs. Je suis prisonnier du pardon, prisonnier du donjon, du coup de la chanson. Je suis prisonnier de la plume, prisonnier du bitume, de la fume, de cette putain d'enclume. Je suis le prisonnier de la rancœur, prisonnier du malheur, de la douleur, des erreurs. Je suis le prisonnier du pardon, prisonnier du donjon, du goudron, de la chanson. Je suis prisonnier de la plume, prisonnier du bitume, de la fume, de cette putain d'enclume. Prisonnier du bitume, de la fume, de cette putain d'enclume. La vie m'a appris à avoir de la rancœur, avoir peur du malheur et à comprendre mes erreurs. Tous ces jours, toutes ces nuits, je rêve du bonheur avant que ma vie ne fasse fureur. Rancœur, prisonnier du malheur, de la douleur, des erreurs. Je suis prisonnier du pardon, prisonnier du donjon, du coup de la chanson. Je suis prisonnier de la plume, prisonnier du bitume, de la fume, de cette putain d'enclume. Je suis le prisonnier de la rancœur, prisonnier du malheur, de la douleur, des erreurs. Je suis le prisonnier du pardon, prisonnier du donjon, du goudron, de la chanson. Je suis prisonnier de la plume, prisonnier du bitume, de la fume, de cette putain d'enclume. Souvent je regarde le ciel et je me dis qu'on mérite tous un monde réel. Qu'il faut que tout ça s'arrête, me demande pas si le futur j'y prête. J'ai qu'un chemin, mon destin, écoutez mon cœur et suivre mon instinct. Maintenant tout ce qu'on arrive à faire c'est trimer. Trop d'injustice pris à la légèreté, trop de conneries pris avec respect. Ce monde marche à l'envers, cette génération avance pas à pas en arrière. Je veux ma chemère et je prie Dieu pour qu'il élimine cette galère. Et j'en place une pour mes frères, car là on vient tous de la thèse. Même si dans ce monde c'est la S, on avance et on progresse. Ne pas se laisser tenir à la laisse, et si tu comprends tu vas l'être. Bombardement, guerre et haine, dans ce monde y'a que ça qui règne. Y'a trop de misère, de chômeurs, de galères, de rancœur. Les banlieues se remplissent et se noient dans la délinquance. Les sureaux décradent et tombent à la violence. Nous sommes tous prisonniers de la rancœur. On résiste la douleur, on écrit les horreurs. On trace nos peurs et on évite nos